Alors, tu vois un ennemi mourant sur une pile de deux blocs. Qu'est-ce que tu... super aspires l'ennemi et les deux blocs. Après, tu vas vers le haut ou tu vas tout droit.